éclate, j'ai chat on arrive. C'est qui veut couler le navire? Bressons toujours quand on navigue. Ça fait longtemps que j'ai plus besoin de ton avis. Nous on aime quand ça va vite. On vise que l'authenticité. Pas trop nouveaux amis. La bigrafe putain y'a autant de villes ciblées. Un plata jusqu'à ce qu'on en peuve plus. Périphérique j'suis dans le 9. Deux j'connais pas tant qu'ils n'en veulent plus. C'est moi le démon renard à neuf. Que elle voudrait me calmer. Bénéfice de le porche caillement. Bon dieu je pense qu'à les allumer. Véridique j'en ai les mains tout salément. Les ennuis, garde à vue tant de soucis. Wesh mon gros c'est comment? Toi t'es un traître, ça se ressent dans ton récit. Wesh mon gros c'est comment? J'ai la bouteille finie après minuit. C'est triste à dire, mais bon il restera que des souvenirs. Petit garçon est prêt avant midi. C'est triste à dire, mais bon il restera que des souvenirs. J'fais que du seul, l'oseille est sali. Il restera que des souvenirs. J'fais que du seul, l'oseille est sali. Le dos au cendrier, tête baissée sanglier. Tu vas peut-être mourir sans briller, parce que t'es sorti sans briller. J'connais les sentiments, les gros virages s'empilaient. À la bouteille j'ai noyé les sentiments. J'ai vu la liste de mes ex s'empiler. Salope dégage, on va pas te retenir. T'as pris coco, on t'avait prévenu. J'galope comme Nico, j'veux pas revenir. Big up, j'en connais des vrais détenus. Le big graveur, t'es pas prêt de le tenir. T'inquiète, ils ont signalé ta venue. Montons la coupe si t'es prêt à vomir. Minuit 45, j'enlève ta tenue. Quand tu nous connais, on sauvêtement, on a pilote la caisse sans balle. Allez, retourne, t'as, tu ne peux pas venir. Pour toi, tu n'as que 100 balles. Ça parle en vivant, ça pose dans la pièce d'en bas. De mauvais souvenirs, le poteau me questionne pas. Les ennuis, garde à vue tant de soucis. Wesh mon gros, c'est comment? Toi t'es un traître, ça se ressent dans ton récit. Wesh mon gros, c'est comment? J'ai la bouteille finie après minuit. C'est triste à dire, mais bon il restera que des souvenirs. Petit garçon est prêt avant midi. C'est triste à dire, mais bon il restera que des souvenirs.